Voici Guillaume Guise. Encore un réfugié qu'on a accueilli. Ça va, jamie gosse? Yes. Oui, ça vous me connaissez, je crois que je peux être considéré comme un mâle dominant. J'ai un bouc. En 2019, qui est encore un bouc, hein, par les mâles dominants et les gens qui élèvent des boucs. Ok, vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai lu dans l'Express, c'est vous dire si je lis. Wouch. Ok, la ref. Impressionnant. Ça va, c'est pas du Lucas Mont non plus, ça va non. J'ai lu un dossier assez passionnant en fait sur l'obsolescence masculine. Ça parlait de la manière dont les femmes prennent une place de plus en plus impactante dans la société, que ce soit à l'école, dans l'univers professionnel ou dans la structure familiale, avec évidemment en exergue la citation de Simone Veil. Moi, le féminisme, je m'en bats les steaks. Ce qui m'intéresse, c'est la boxe pieds-poings. Et c'est vrai que Simone Veil, j'avais lu son bouquin High Kick, Low Kick, La guerre des styles. Je trouvais ça formidable. Mais tu te dis, Simone, si vous avez mis un tout petit peu d'énergie pour vous battre un peu pour les femmes, enfin bon. Elle est quand t'es tiraillée par la passion. Respect. Ouais, Respect. Je lisais notamment dans le dossier un passage où sur l'érosion du pouvoir des hommes dans le monde du travail, où chiffre à l'appui, je cite, les femmes seraient enfin prêtes à prendre d'assaut le sommet de la hiérarchie. Et franchement, j'ai direct pensé à vous, Nagui. Je suis le pauvre. Combien de temps avant qu'une femme ne prenne d'assaut le sommet de la hiérarchie? Une femme qui serait au hasard assise à vos côtés chaque matin. Et qui, chaque fois que vous posez une question, regarderait l'invité, l'air de dire, vous voyez cette question, moi je l'aurais posée aussi, mais en plus court. Vraiment, tu vois? Et en plus, parce que de ma place, je le vois, moi, le petit clin d'œil, quel complice qu'elle envoie à l'invité chaque fois, genre la prochaine fois que vous serez dans cette émission, pef, c'est moi qui serai le sommet de la hiérarchie. Avec un deuxième clin d'œil qui veut dire, j'ai du poppers à 6 euros la fiole. Mais ça, ce clin d'œil-là, je crois qu'il est, un peu aussi pour moi, je pense, et pour l'équipe technique derrière, et pour le public, et pour le 16e arrondissement, et pour l'ensemble de la France métropolitaine. Ne vous laissez pas faire, pef, son poppers, elle le coupe avec du crément d'Alsace, forcément qu'elle se casse les prix du marché. Alors, donc voilà, Nagui, je serai vous, je lui couperai l'herbe sous le pied tant que vous avez encore l'oreille de la hiérarchie. Bon, faut taper haut, parce que la direction d'Inter, c'est une femme, bah c'est oui. mort. La direction de Radio France, c'est une femme, femme. C'est mort. Moi, j'irai direct chez Macron en mode Manu, tu sais qui a dit qui sait qu'on est des hommes, on serre les couilles Jean-Pierre Castaldi, dans un vestiaire. Mais oui, Manu, parfaitement, ça fait du bien, président qui a des lettres. Mais oui, voilà, on dit toujours. Mais bref, vous parlez dans nos noms à Daniel, à moi et à Tom. Franchement, il faut qu'on protège nos positions, parce que là, en France, en 2019, les écarts de salaire s'amenuisent, les femmes sont de plus en plus diplômées. Voilà, vous la voyez la menace d'un avenir professionnel meilleur pour elles. Il faut une loi pour verrouiller le monde du travail. Vous avez un diplôme, mademoiselle? Oh, c'est formidable. Mais est-ce que vous avez une pomme d'Adam? Non? Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Ça, c'est, je vois pas grand-chose. Mais il nous reste un beau petit mi-temps secrétaire, 960 euros par an. Donc, c'est vrai, il y a encore 61% d'hommes à l'Assemblée, 68% au Sénat. Il faut en profiter. C'est le moment ou jamais. Sinon, on le fera pas, quoi. Il faut une loi de testostérone. Même dans la famille, l'homme est menacé. Vous voyez, la structure traditionnelle catholique à 4 personnes, un papa, une maman, un missionnaire et un enfant. Eh bien, c'est du passé. La PMA pour les femmes célibataires, c'est la fin de l'utiliser des hommes. Vous savez où on va finir? Sur France 4, en deuxième partie de soirée, 1% de part de marché. Vous voulez pour les hommes, Nagui? Non, non. Et voilà, l'article il concluait avec cette déconstruction du mythe viriliste ne constitue pas un déclin, mais une chance pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, celle d'annoncer l'enthousiasmante naissance de nouvelles masculinités. Et je me suis dit, flagrant que c'est une meuf qui a écrit ça. Mais je connais cet argument. Non, vous verrez, ce sera pour votre bien. On la connaît, on m'a fait la même chose à ma circoncision. Tu vois, on m'a dit, voilà, ce sera beaucoup mieux. Ah ben non, ça a plus jamais été pareil. Donc on compte sur vous, Nagui. Sauvez-nous. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo. La bande originale.